Donc alors, moi je peux vous dire que conduire en téléphonant, c'est vachement dangereux. Hein. Conduire en conduisant déjà, c'est strictement interdit, ouais. Et tu peux avoir un accident. Si tu es au volant et tu vois pas un peu, tu rentres dans le cul de celui qui est devant toi. Ouais, Gérard, comment tu peux conduire en conduisant? Je comprends pas. Attends, tu conduis avec une main. Tu as deux mains pour te conduire. Quand tu téléphones, t'es avec une main. Oh, Olivier, tu dégages. Olivier, tu dégages, Moi, j'applaudis pas. Moi non plus. Dégagez.